les quartiers cramoisis. Quelle est l'envie des gueulés de Paris? Que devient-on et comment grandit-on? De quoi rêve-t-on scellé dans le béton? Que devient-on quand on nous prend pour des cons? De quoi rêve-t-on scellé dans le béton? J'en ai pas la moindre idée, non je n'y suis pas né. Je peux juste imaginer le ciment sous les pieds. J'ai pas choisi de ne pas grandir ici. J'ai jamais compris le grand Sarkozy. J'ai pas choisi de finir mes jours ici. J'ai jamais compris le grand Sarkozy. Que devient-on, mais comment grandit-on? De quoi rêve-t-on, scellé dans le béton? Que devient-on quand on nous prend pour des cons? De quoi rêve-t-on, scellé dans le béton? De quoi vit-on, tous traités comme des pions? Où est-ce qu'ils vont, scellés dans le béton? De quoi vit-on, tous parqués comme cochons? Où est-ce qu'ils vont, scellés dans le béton? J'en ai pas la moindre idée, non je n'y suis pas né. Je peux juste imaginer le ciment sous les pieds. Je peux juste imaginer le ciment sous les pieds.